C'est fou de la scène émergente. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On vous présente nos entrevues préférées de l'année 2009. Vous entendrez Marie-Pierre Arthur, Pépé, Valesse Pariétaire, Jésus-Ben Chicard-Livre et Martin Priorité. Tout ça à Assemblage requis et ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'émission Assemblage requis, l'avant-dernière émission avant la pause des fêtes. Salut, vrai. Mathieu. Salut, Kiwan. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, super. Je dirais pas que c'est une semaine de paresseux aujourd'hui parce qu'hier, on a eu une grosse émission avec toute l'équipe de chroniqueurs en même temps. Lundi, on vous a présenté nos pièces préférées de l'année. Mais aujourd'hui, on se la coule douce un peu. Quand même. Particulièrement aujourd'hui. Tu sais, même hier, là, c'était pas du gros travail. C'est le fun, là, tout le monde ben ensemble. Ben oui, toi qui étais dans le coin et qui disais pas grand-chose, ouais, sûrement que ça a bien été. Ouais, ben, oui, physiquement, j'étais vraiment pris dans le coin. Ouais. Donc, ouais. Je te voyais à peine avec la tour de CD. Ouais, c'est ça. Mais bon, donc on n'est pas là pour parler de l'émission d'hier. On est là pour parler du présent. Et aujourd'hui, on vous présente nos entrevues préférées de l'année. Oui, pas seulement. Ben, principalement celles qui ont été réalisées ici dans l'émission Assemblage requis depuis le début de l'émission, donc septembre 2009. Mais on est allé chercher un peu aussi avant ça. Dans les ancêtres d'Assemblage requis. Pour couvrir vraiment toute l'année 2009. Donc, il y a entre autres Respect les dauphins qui était l'émission du retour cet été. Il y a plein d'autres choses comme ça. Donc, on va plonger tantôt là-dedans. On va commencer avec une entrevue qu'on a réalisée. En fait, c'est est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est nous? Nous deux ensemble. Nous deux. Ici, dans l'émission. Ici même. Waouh, je capote. Donc, ça va être tantôt avec Pépé. Ben oui, c'était l'entrevue avec Pépé tantôt en studio. On va vous la présenter. Avec même une performance live. Ça, c'était génial. Mais on commence en musique avec un petit peu de Chinatown. Voici, tu es un hit. On les a jamais reçus, par contre, ici, Chinatown. Non, on les a pas reçus. Pas encore. Ce sera notre comment dire... Comment t'appelles ça? Tu sais, quand tu dis pour l'année prochaine... Résolution. Résolution. 1280 par 1024. Ma vie, mes souliers souillés sur le dance floor, à t'écouter battre des cils. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Qu'on lit dans les yeux des garçons quand tu passes près d'eux. Tes mollets moulés amènent le nylon et tes yeux de chanson triste en si triste. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Mais si tu t'en vas, moi je te tiens la porte. Et allons battre la semaine en des tas de feuilles mortes. Je ferai en sorte que tu sois mon escorte, jusqu'à ce que l'ennui nous sépare, jusqu'à ce que la nuit nous répare de ces voyages aux calendes. J'avais déjà un cœur de rocker. Je n'aimais pas beaucoup l'école. Je ne vivais que pour mes idoles. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Je n'étais encore qu'un teenager. Je suis parti vivre ma vie en outsider. Mon père voulait me retenir. Tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est tu vas faire mourir ta mère. Avec mon cœur de rocker, j'ai jamais su dire je t'aime. Oui, mais maman, je t'aimais quand même. Comme personne t'a jamais vu. J'ai vraiment aimé, c'est celle qui m'a quitté. J'étais bien embêté. Hey, hey, hey. Hey, hey. C'est vrai que j'étais pas très fidèle, mais j'étais complètement fou d'elle. J'ai voulu la retenir, tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'est tu vas finir ta vie tout seul. Toujours à l'émission Assemblage requis avec Kiwan et Mathieu. L'émission aujourd'hui, émission spéciale où on vous présente les meilleures entrevues de l'année. Et on vient d'entendre Pépé avec une reprise de Julien Clerc avec, sur son album Pépé Goes Français. C'était la pièce Cœur de rocker de Pépé. Et tout ça nous amène, Mathieu, à présenter la première entrevue. Oui, on le recevait en studio ici le 8 septembre dernier. Voici Pépé. Bonjour Pépé. Hey, salut Mathieu. Ça va? Yes! Yes. Fais quelque chose qui est ton album avant celui qui vient, qui était avant celui qui va sortir. Bon, oui, ça fait au moins 3 ans qu'il est sorti cet album-là. Très bon album. 3-4 peut-être. Hey, le temps passe trop vite. Anyway, ouais, c'est un vieil album. Ouais, il est encore 100% bon. 100% bœuf après cet album-là. Ouais, c'est ça. Il y a eu Pépé et sa guitare fait quelque chose, 100% bœuf. Puis là, la semaine prochaine, déjà, Tabarouette sort un autre album. Ben oui, ouais. C'est pour ça que j'imagine que tu as commencé peut-être aussi à faire des spectacles. Récemment, il y en a eu quelques-uns cet été. As-tu été pas mal occupé cet été? Ouais, cet été, ça a été assez le fun. J'ai voyagé pas mal. Puis en même temps, j'ai pris le temps de vivre parce que le monde apparemment a eu un été chuteux, mais moi j'ai été capable de profiter des quelques brindilles de soleil là, qu'on a eu cet été pareil. On fait son propre plaisir dans la vie, hein. Ouais, comme disait Félix, le bonheur, comment il disait ça? C'est comme le sucre à la crème, si t'en veux, tu t'en fais, voilà. Donc tu le disais, oui, tu lances un nouvel album, c'est la semaine prochaine, le 15 septembre. Mais c'est pas un album de composition originale. Non, c'est un album, c'est du cover, comme on pourrait dire en bon français. C'est en fait, je reprends les tunes de la France, que ça soit des années 60 ou 70 ou 80 ou 90 et même dans les années 2000 en genre de sauce pépé, punk rock festif pour le fun. Ça me tentait de me lancer le défi, de voir si j'étais capable de faire un bon album de reprise pocketen qui fait triper les gens qui aimaient déjà les tunes, puis qui fait découvrir les tunes à du monde qui aurait peut-être trouvé ça quétaine dans sa version originale. Il faut pas que ça ait l'air de parodie non plus, là. C'est pas pour rire de ces... Non, c'est pas une parodie. C'est sûr, ça s'écoute avec le sourire parce que moi, je fais de la musique avec le sourire. Je suis là pour, je suis là pour rendre heureux. C'est ça. C'est de même que je vois ma job. Puis, bref, ça marche, je pense. Ouais. Ghost français, c'est ça le titre de l'album. Pépé Ghost français. C'est très beau. Ouais, ça fait raguer les oreilles un peu. C'est quand même un défi de faire un album de reprise sans que ça ait l'air qu'éterne. Justement, il y en a plusieurs des c'est un peu la tendance presque, les albums reprises. On va pas se risquer à nommer des noms. Non, on n'aura pas de nom, mais on va en perdre nos doigts. Mais il y en a qui ont fait des bonnes jobs, comme je parlais des Me First and the Gimme Gimmies. Ouais. Malheureusement, j'ai rien que des exemples en anglais qui me viennent pour l'instant, mais les Ramones avec Acid Eaters, puis Metallica avec Garage, Days. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait de faire plusieurs versions? Comme, mettons, Me First and the Gimme Gimmies ont repris des pièces d'émissions de télé ou de films. Est-ce que ça te tenterait après ça de te mettre à faire d'autres thèmes comme ça, puis faire des covers de ça? Je sais pas si j'aurais assez de matériel pour faire un concept, mettons Pépé Ghost, quelque chose d'autre, mettons Ghost Punk ou Ghost Country, peut-être, mais franchement, je pense pas. Là, c'est juste un saut. Tu sais, le fun d'interpréter des tunes, comment je pourrais dire ça? J'interprète des tunes, mais ça m'empêche pas de continuer à composer des nouvelles tunes. En fait, je suis déjà prêt pour un album de compo, puis c'est ça qui prime chez moi quand même. Sauf que peut-être ça l'ouvre la porte à intégrer par-ci par-là dans mes futurs albums, tu sais, une interprétation de whatever quoi, tu sais, que ça me tente de faire, que ça soit une vieille tune punk que je fais en français, en style chansonnette ou peu importe. T'sais. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui t'a fait choisir la chanson française comme thème? L'année passée, c'était-tu l'été? Non, pas. Ben, c'est ça. Pas l'été qui vient de finir, mais l'autre avant, c'était le 400e de Québec, puis on m'a demandé de faire un show dans l'espace 400e. Puis j'avais déjà un show à présenter au festival d'été, puis ça me tentait pas de présenter deux fois le même show. Puis comme, 400e avait quand même, c'était des beaux cachets, fait que au lieu de me mettre ça dans les poches, j'ai décidé de m'engager des amis musiciens, puis de faire un show où c'est que, let's go, j'apprends 25 paroles de 25 tunes françaises, puis je refais les arrangements, on pratique, puis on monte un gros show pour le fun, tu sais. Puis finalement, le public a vraiment bien réagi. Puis avec ça, on est parti au Festival de Saint-Malo en France, sur le bord de la mer. Les six gars ensemble, on a trippé sur le bord de la beach en se buvant du calvados, puis une petite bière, puis en mangeant le saucisson. C'était vraiment cool. Puis on est devenus chums encore plus. Puis en revenant, je me suis dit, ça me tente pas de perdre cette band-là puis ces chums-là. Fait que pourquoi on n'enregistrait pas un album chez mes chums à Québec, qui ont un bon studio. On a fait la fête, ça a été 11 jours de production vraiment intense, mais en même temps tellement le fun. Puis ça a donné cet album-là, that's it. Puis c'est avec eux que tu vas jouer ensuite sur scène quand tu vas faire une tournée, j'imagine, qui va être annoncée. Ouais, ben la semaine passée, on était déjà au Festival du Bœuf. Du bœuf. Ouais, du bœuf à Inverness. C'était le 29e festival, pareil. C'est hot, là. Ça fait longtemps. Il attire quelque chose comme 30-40 000 personnes. Il y a du rodéo, puis en tout cas, c'est big. Puis on était comme le seul band pas country. J'ai dû entendre Folsom Prison Blues 5 fois, tu sais, par les One Man Band qui jouaient là, ou ben Have You Ever Seen the Rain? Puis on, en tout cas, de CCR, puis en tout cas, nous autres, le son, on est arrivé avec nos tunes françaises, puis le monde a capoté, c'est, puis il faisait fret, le pire, en tout cas, anyway. Yeah. Justement, les tunes françaises, tu dis que tu refais sur Pépé Ghost français. T'es pris où? Est-ce que c'est des pièces que tout le monde connaît? Est-ce que c'est des choses un petit peu plus obscures? Ou t'as fait le choix comment? T'as sélectionné les pièces? C'était totalement personnel. Je pensais à quelles pièces françaises que j'ai aimées. T'ont marqué. C'est ça, qui m'ont surtout marqué. Parce qu'il y a des pièces là-dedans que les versions originales, je les ai pas en cassette, ni en vinyle, ni en CD chez nous. Là, c'est juste des chansons que, malgré moi, ils m'ont marqué, soit parce que mon père ou ma mère chantait ça quand ça passait à la radio, ou ben parce que... Je sais pas, de toutes sortes de façons. Un gars comme les chansons de Nino Ferrer, ça, j'entendais ça dans les radios rétro quand j'étais dans le truck avec mon père. On montait dans le bois pour aller bûcher les trails pour le skidoo l'hiver, en tout cas, exemple. Puis sinon, il y avait d'autres chansons. Ma mère, elle était plus moins yéyé, plus chansons françaises. Sinon, je sais pas. Indochine, c'est un groupe que j'aimais détester quand j'étais adolescent, puis qu'au fil des ans, à force d'écouter ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une richesse mélodique, tu sais, puis qu'il y avait de quoi, une espèce de recherche sonore, de quoi de trippant dans l'attitude, dans la vibe de cette band-là. Fait que j'ai décidé de reprendre des tunes, puis c'était vraiment individuel. C'était des tunes, bon, ceux-là, ça me tente de la faire. Mm-hmm. Je pense que je suis capable de faire une version qui va être artistiquement valable. Qui va apporter quelque chose de plus. Ouais, c'est ça. Peut-être pas de plus, mais que je vais apporter quelque chose, que cette version-là, elle va être valable. Ouais. Elle va pas être meilleure, mais elle va pas être moins bonne. Elle va avoir exactement pareil. Souvent, quand c'est des covers, des fois, ça peut être exactement pareil. C'est... Ouais, puis en même temps, j'essaye pas de changer à tout prix. T'sais, moi, quand une tune, quand une mélodie est bonne, je commence pas à essayer de pousser une note plus. Freestyle. Changer là, la rythmique là, pour montrer que ah, je me l'accapare. Ça, je trouve souvent c'est casse-gueule, là, quand tu rentres là-dedans. Faut plus, je sais pas, savoir l'air quétaine, mais écouter son cœur, là. C'est le fun. Quand j'avais du fun à jouer ça, je savais que j'étais dans la bonne voie. Là. Mm-hmm. Je lisais sur ton site ppsaguitare.com qu'au Festival d'été de Québec, tu as joué en première partie d'Indochine, qui est un groupe que tu fais leur chanson aussi, si je comprends bien. Ouais, mais ils m'ont dit de pas jouer la toune. Ah! Ouais, Festival d'été... Sujet. Ah, il m'a dit non, tu peux pas faire ça, Pépé, s'il te plaît. Il m'a fait le regarder dans les yeux, Jean, il m'a dit non, Jean Beauchesne, en tout cas, il voulait vraiment pas que je la joue, c'est plate, parce qu'elle est vraiment bonne, notre version de Canary Bay. Mais anyway, c'est l'extrait là radio qui joue en ce moment, qu'on a poussé à radio, puis... Okay. Anyway, là, c'est à peu près le seul show possible là, qu'on pouvait pas faire cette tune-là. Puis on avait genre 24 autres tunes. Fait qu'on n'allait pas brailler sur notre sort. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de choix d'autres pièces à prendre. Ah, c'est toutes des hits, anyway. Oui, ben ça, ben c'est pépé. Hein. C'est toutes des hits. Oh, Mathieu. Richard de botte un peu. Non, je t'ai plus. Mm-hmm. OK. Hey, Pépé, t'as amené ton ukulélé? Mais hein, c'est petit. Pourquoi s'en passer? Ça se transporte partout. Bien, voilà. C'est ça. Tu l'as dans ta poche tout le temps. Ouais, oh, attends. Comme un fusil. Voudriez-vous que je vous pousse une petite tonne, garçon? Ça serait génial. Ça va être un hit, je te gage. Il fait 25 degrés à Trois-Rivières, fait que ça me tentait de faire une tonne d'été pendant qu'il est encore temps. Attends, il y a le fil là, du chose qui est basé sur ma corde. Excusez-moi, 3-4, c'est reparti. Vagues à la maison. OK. Yeah. Merci. Wow. Non, merci à toi. Wow. Vraiment. Et voilà. Très, très ah! C'est l'été, il fait beau. Yeah. Donnez-moi une bière. Il mérite ça quand même. Non. Faut y donner. Donc, ce soir, c'est au Gambrinus. Yes! Il va en avoir de la bière. Et si bol qu'elle est bonne en plus. Oh oui! Terrible, terrible. Mais bon, on va pas trop embarquer là-dedans. J'essaye de slacker un peu ces temps-ci, les gars, mais on s'en reparlera off-mic. Mais ouais, c'est au Gambrinus que ça se passe à soir. Il va y avoir plein de vieilles tunes de mes vieux albums, mais aussi des nouvelles tunes qui sont pas parues et qui ne seront pas non plus sur Ghost Français et qui seront sur un album probablement qui va sortir en 2010, je sais pas. Mais vous pouvez les entendre en primeur. S'il vous plaît, commencez pas pour autant à les enregistrer là avec votre Kodak pour aller partager sur YouTube légalement, avec un son un peu boiteux. Puis là, vous autres, vous dites « Ouais, mais c'est hot! » Mais là, quelqu'un qui connaît pas ça, écoute ça, il fait « Ouais, ça a pas l'air si hot! » Mais ça, c'est juste mon opinion. On peut pas. C'est dur de lutter contre ça. C'est un bon point. Par exemple, les gens pensent aider tout le temps les artistes en mettant les pièces comme ça sur des sites. Puis des fois, ça peut leur nuire. Ouais, des fois, c'est quand le son est poche, puis que... Je sais pas, le public a pas l'air nécessairement en feu, tu sais. Des fois, tout a l'impression que le public est en feu, mais la prise de son ou la prise de vue donne pas l'impression que c'était aussi hot que c'était dans le fond. S'il n'y a pas de micro sur la scène, tu sais, en avant de la scène, dans le public, des fois, ça peut donner l'impression qu'il y a personne qui applaudit ou que. Tu sais, genre, moi, je suis allé voir ICDC, puis le lendemain, il y avait plein de trucs sur YouTube. Puis ça sonnait comme c'était dégueulasse. Puis tu voyais Angus Young, il mesurait 2 mm d'écart. Tu fais, voyons, tu as le goût de te dire, voyons, c'est qui les 60 000 caves qui ont payé 100$ pour aller voir ça. Mais pourtant, moi, j'ai trippé comme un malade pareil. C'est peut-être à cause de la boisson. Probable. Non, pour vrai, j'étais sur le bord du stage. J'avoue que j'étais vraiment bien placé. Pendant. Et je suis un gros, gros, gros fan de ACDC. Mais bof, on parle plus de ça. Venez au Gambrinus s'asseoir, prendre une bière puis écouter de la bonne muse. C'est Pépé qui va vous rocker ça. En face, j'ai des cordes neuves sur tous mes instruments. Ça va bien sonner. C'est du luxe quand même. Oh, des belles cordes. Juste qu'est-ce qu'il y a de mieux pour Trois-Rivières. Pour Trois-Rivières. Only the best. La formule, c'est plus avec ta guitare ou c'est avec un band ce soir? Non, à soir, c'est tout seul avec tout ma guitare. Okay. Donc, venez rencontrer l'homme, l'artiste. Venez rencontrer Pépé, seul avec sa guette, ou bien son ukulélé. Puis on va avoir du fun, comme toujours, de toute façon. Mais payez-lui pas de bière, il essaye de slacker. J'essaie de slacker. Là, on t'écoute. Ouais. On t'aide là-dedans. Ouais, ouais, vous m'aidez, les gars, je me sens appuyé. C'est bon, je vais revenir. Cool. Parfait. On est très heureux. Oui, tu reviendras nous présenter ton prochain spectacle ou album là, quand ça sera lancé, Pépé Ghost Français. C'est ça. Parfait. J'arrive, je reviens ici sans faute quand ça sort. Demain. Non. La semaine prochaine. Merci beaucoup, Pépé. Ça m'a fait plaisir. Merci. Salut les gars. Bye. Je remercie son Yoku. C'était l'entrevue qu'on a fait avec Pépé le 8 septembre dernier ici à Assemblage Requis. Vous êtes dans l'émission où on compile nos entrevues préférées de l'émission et de d'autres émissions de 2009. Oui, et puis c'est le fun parce qu'il parlait dans l'entrevue Pépé de son album qui à cette époque-là n'était pas encore sorti. Et on avait entendu un extrait de cet album-là juste avant l'entrevue. Son album Pépé Ghost Français avec Cœur de Rocker. Exclusive! On retourne en musique pour aller entendre la formation de Mockingbirds. Oui, on va écouter la pièce Lève le son, les Mockingbirds. Et dans quelques minutes, on va entendre une autre des entrevues qu'on a aimées dans l'année 2009. Restez avec nous sur Assemblage Requis! Time. The Mockingbirds avec Lève le son, pièce que tu sors de nulle part, Monkey One. Ouais, c'est une découverte, là. Ça fait déjà 2-3 jours qu'on est dans les vieilles pièces de 2009 et puis qu'on beurre et rebeurre de tout ce qu'on a aimé. C'est une petite découverte là, que j'ai fait récemment, les Mockingbirds. C'est un vieil album. Ben, ça fait plusieurs mois que l'album est sorti, mais il est arrivé récemment ici à la station et dans mes oreilles encore plus récemment. Très, très bon et j'espère qu'on va en entendre souvent ici à Assemblage Requis. Vous êtes à l'émission du retour en pièces détachées et au retour, on continue notre émission spéciale avec nos entrevues préférées de 2009 avec Marie-Pierre Arthur. Restez là! Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89 ans. Écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Oui, l'émission Assemblage Requis aujourd'hui qui se rappelle des meilleures entrevues de 2009, pas seulement des entrevues qu'il y a eu dans l'émission aussi Assemblage Requis. Principalement, je dirais, la plupart des entrevues qu'on a choisies, puis là, ça va paraître très chauvin, mais c'est pas parce que les meilleurs étaient dans l'émission ici, c'est parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup ailleurs. Puis aussi, il faut dire qu'on parle des meilleures entrevues de 2009, mais seulement celles où on a été impliqués, toi et moi. Oui, c'est ça, Kiwan et Mathieu, là, le reste, on s'en... C'est ça, non, mais on n'a pas été voler les entrevues des autres animateurs qui ont été faites parce qu'il y en a des très bonnes qui ont été faites par plein d'animateurs au courant de l'année, mais on a pris seulement ceux dont on était concernés. Oui, d'Assemblage Requis et de ses ancêtres, parce qu'avant Assemblage Requis, l'émission du retour, une fois par semaine, c'était Respect les dauphins. C'est ça, c'est une émission que j'animais ici de 4 à 6 là, une fois par semaine. Et il y avait comme un genre de running gag. De running gag. C'était devenu un running gag. Les artistes faisaient des running gags. C'était comme une malédiction qu'il y avait sur cette émission-là où à chaque fois que j'avais des entrevues de prévues, de cédulées, il arrivait tout le temps quelque chose. Puis finalement, les entrevues que j'annonçais des fois depuis une semaine, même plus. Finalement, sur le site web et tout. Oui, c'est ça. Je les annonçais jusqu'à la dernière minute. Puis finalement, pouf, l'artiste ne se présentait pas ou il me rejoignait. Puis là, finalement, ça ne marchait pas. Il y avait tout le temps quelque chose. Donc, j'étais rendu vraiment très, très... je prenais vraiment beaucoup de précautions à la fin quand j'annonçais des entrevues. Même souvent, je les annonçais pas. Ouais. Et puis c'est pour ça que vous allez voir... C'est plus des surprises. C'est ça. Donc, c'est ça qui est arrivé dans le cas de la prochaine entrevue qu'on va entendre. Donc, avec... Marie-Pierre Arthur, ça a été fait au mois d'avril. Le 2 avril 2009. Ah, oui. C'était une des dernières émissions ça, de Respect les dauphins. C'était l'avant-dernière, je crois, de Respect les dauphins. Eh bien, dis donc, toi. Donc, ça arrive souvent que les événements que je vous annonce ici n'arrivent pas. Et ça arrive aussi qu'il arrive des choses dont je ne vous avais pas parlé. Et c'est le cas aujourd'hui, une belle surprise. J'ai Marie-Pierre Arthur qui est ici en face de moi. Salut, Marie-Pierre. Salut, ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Cool. Marie-Pierre, ici à la station, on a une pièce de ton album solo éponyme, je crois aussi. Éponyme, ouais. On a la pièce Pourquoi qui joue dans le palmarès ici. Et puis, quand on a reçu l'album, ça fait environ un mois de ça, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de bruit à ton endroit. On parlait déjà beaucoup de Marie-Pierre Arthur. Et puis, je vais t'avouer personnellement que moi, c'est vraiment un album qui est arrivé de nulle part. Je savais pas du tout c'était qui Marie-Pierre Arthur. Mais j'entendais quand même l'action et le bruit qu'il y avait autour de toi. Comment ça se fait que les gens parlaient autant de toi avant même qu'on ait reçu l'album? Moi, je ne sais pas ça. Je pense que ça a rapport avec le fait que je travaillais dans... Ça fait longtemps que je joue de la musique avec des artistes connus du Québec. Ça s'est ébruité, mais moi, je sais pas pourquoi que ça s'est rendu à vos oreilles et tout. Là. Je sais pas comment ça se peut, mais je suis contente de ça, en tout cas. OK. Mais c'est ça, ça fait quand même longtemps que tu es sur la scène ici. Ouais, au Québec, ça fait genre de 6-7 ans là, que je fais de la tournée à travers le Québec avec des artistes. OK. Comme bassiste. OK. Ouais. Puis maintenant, tu as décidé de faire ton propre album. Oui. Qu'est-ce qui t'a décidé à partir de tes propres ailes? En fait, c'est ça. En fait, c'était pas un projet prémédité. OK. C'était juste le fait de composer. Ça faisait une couple d'années que je composais, mais vraiment juste pour découvrir un peu, puis m'amuser. Puis à un moment donné, il y avait plus de tunes qui existaient de plus en plus, puis c'est né comme ça. C'était un besoin de l'entendre au complet. Qu'est-ce que ce serait si on faisait ça, un beau collectif, on enregistre plein de musiciens, puis c'est ça. À un moment donné, c'était une obsession. Fallait que je fasse mon disque, tu sais. Mais c'est arrivé assez vite, tu sais, comme,

Car quoi? Excellente pièce à la chaîne. Ici à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Ah, ça, c'était bon. Ça. Oui, c'était très bon. On les a jamais reçus, par contre. On les a jamais reçus ici à l'émission Carquois. Une autre résolution, 1280 par 1024 pour 2010. Peut-être. Ouais. Kiwan, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a un an et plus, à ton émission, encore une fois, Respecte les Dauphins, tu recevais les gars de Jesus Bench 400 livres. Un an et plus? Un an et moins. Et moins? Un an et moins! T'as dit plus. Te rappelles-tu, Yves, là, un an et moins? Oui, c'est au début, début de l'année 2009. Ouais, le 22 janvier. Le 22 janvier 2009, à l'émission Respecte les Dauphins, c'est bien ça, hein? C'était ouais, oui. Cette émission-là. Les gars de Jesus Bench 400 livres, un groupe de Trois-Rivières, venaient nous présenter leur nouvel album. Ça a été toute une année pour eux, 2009, oui. Parce qu'ils ont sorti leur tout premier album et en même temps, ils ont vécu. Morts. Oui, c'est ça, le triste événement de la fin du groupe. Donc, le groupe n'existe plus aujourd'hui. Mais quand même, tout le monde, il n'y a personne de mort dans le groupe. Tout le monde existe toujours. Ils font toujours quelque chose à quelque part. Mais bon, à cette époque-là, ils venaient de sortir leur premier album pour lequel ils avaient travaillé très fort pendant très longtemps. Donc, ils étaient venus nous présenter ça ici. Ils étaient à leur sommet, tu sais. Ils étaient dans leur pic. Juste avant la déchéance. Mais c'était vraiment une des entrevues les plus drôles qui a jamais eu lieu à C'est fou. Donc, voici, à Respecte les Dauphins, l'entrevue avec Jesus Bench 400 livres. Et puis, j'étais un peu distrait parce qu'il y a beaucoup d'actions en studio, de la visite qui vient d'arriver. Les gars de Jesus Bench 400 livres, salut. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, vous êtes pas mal tous des habitués de la station ici. Je pense que vous avez tous déjà fait de la radio assez fou. Effectivement. C'est donc un retour pour vous. Retour aux sources. À la souche. Hey, vous venez de sortir un nouvel album? Ben en fait, je veux dire, il n'est pas sorti, vous venez d'arriver avec, vous venez juste de le voir, ça qui est vraiment génial. L'album vient d'arriver, mais juste avant qu'on parle de ça, je veux qu'on parle un peu de la dernière année, parce que je sais qu'on vous a pas vu beaucoup dans la dernière année, ça a été plutôt tranquille, et puis comme là, un an, deux ans, vous avez fait beaucoup de spectacles, vous avez fait beaucoup parler de vous, et puis là, dans la dernière année, ça a été tranquille, qu'est-ce que vous avez fait chacun de votre côté dans la dernière année? Fred, qu'est-ce que t'as fait de ton année? Fred? Ben, j'ai fait plein de choses. Ah. Mais vous autres aussi, vous avez des choses intéressantes. Vous avez fait un petit voyage. Ouais. Bon, ben, en réalité, ce qui s'est passé, là, grosso modo, c'est que moi, je suis parti dans l'Ouest canadien. OK. Et j'ai un membre du groupe, pour ne pas le nommer, Nicolas, qui est venu me rejoindre là-bas. OK. Et ensuite, on est parti en Thaïlande, là. Vraiment, là, s'isoler, vraiment, là, pour se retrouver, finalement. C'était sur des plages avec des tout inclus. C'était bien difficile. Ouais. Et là, on est de retour. Puis, notre dernier spectacle qu'on avait fait, vraiment, officiellement, c'était en avril. Puis, je partais le lendemain. Donc, ça fait relativement, ça va faire tout près d'un an, là, presque qu'on un est an. Monté sur les planches. Exactement. Ah ouais, puis sinon, on travaille fort depuis une couple de mois, là, à remettre, remettre leur bien sur pied, reprendre les rênes du traîneau, comme on dit, là. OK. On est en train de filtrer la vieille poussière, puis on bâtit sur du neuf. Parfait. Vous n'habitez plus tous à Trois-Rivières, je pense, hein? Vous êtes un peu, le groupe s'est éclaté un petit peu dans différentes régions. Ouais. Est-ce que c'est plus difficile pour vous de vous retrouver, pratiquer? Oui, ça doit être pas évident. Ben, c'est sûr qu'on pratique moins. Les pratiques en mangent un coup. Mais quand même, le groupe Jesus Bench reste en vie. C'est ça qu'on trouve qui est important. Il va pas mal à notre rythme, je dirais. On n'est pas très, très axé sur la performance. Puis, ben oui, musicalement, oui. Mais je veux dire, on veut pas pratiquer 10 fois par semaine. Dans le fond, on se voit quand on peut. Puis, du moment qu'on est tête, nous, on est satisfait. Puis, une chance, parce que si on se voyait souvent, là, ça serait pas drôle ce qui sortirait de là. Là. Ah oui? Vous avez de la misère à vous supporter. C'est frais de beaucoup de gaz. Non, mais sans blague, c'est difficile parce que ça fait beaucoup de route. Puis, on n'est pas à l'université. Quand on était à l'université, c'était plus facile. Là. Même Vincent, il a un nouvel emploi, moi aussi. Fred, ça s'en vient. Nicolas aussi. Donc, non, mais en fait, je vous annonce que j'ai été engagé. Oh, en direct sur les ondes. Où ça? À la Corporation culturelle de Shawinigan. Félicitations, Fred. Quel de primeur, pour vrai. Ouais, à soir, c'est... Wow. L'exclusivité pure et dure. Mais donc, effectivement, c'est difficile. Puis j'emporte un peu le chapeau. C'est parce que c'est moi qui ai parti le premier. Donc, j'ai annulé beaucoup de pratiques. C'est un peu de ta faute. C'est un peu de ma faute. Mais j'ai le dos large maintenant. Ben oui, c'est correct. Depuis mon voyage en Thaïlande. C'est important. Est-ce que, concernant la Thaïlande, est-ce que ça a inspiré un peu votre musique? Oui, on a composé un peu. Ben surtout dans l'Ouest canadien, on a fait une coupe. On a parti un nouveau groupe. Hein? Ouais. C'est ça, oh, oui, c'est, on a quelques petits hits, mais sérieusement, ça nous a juste fait réaliser qu'on aimait ça pratiquer. On s'ennuyait. On s'ennuyait. Ouais, on s'ennuyait dans le bon vieux Jésus Bench. Puis, donc, oui, on a sauf Vincent. On n'y a pas Vincent. Donc, il n'y aura pas d'influence country western de l'Ouest canadien dans le nouvel album. Ah, un petit peu, c'est possible. C'est possible. On va voir. Il y a du sing-along qui s'est développé. Sur notre petit EP, il y a quelques bonus. Peut-être qu'on peut aller chercher un peu de country là-dedans. Oui, ça c'est vrai. Oui. Un petit teaser, là. La foule. Hey, tantôt, au début de l'émission, je recevais les gens qui venaient me parler d'université en spectacle, d'UQTR en spectacle. Vous êtes passé par là, vous, je pense, hein? Vous avez fait UQTR en spectacle. Oui, en fait, le groupe s'est formé grâce à UQTR en spectacle. Donc, on s'était dit, moi et Anthony, on va participer cette année. Vincent s'est joué en groupe. On était, dans le fond, chanteur, guitare, deux guitares, une basse. Et c'est de même qu'on a rencontré Frédéric. On lui a dit, on savait qu'il drumait, qu'il savait jouer de la batterie. Et Fredo s'est joué en groupe. Finalement, on a performé à UQTR en spectacle. On avait gagné. Puis on était bien heureux de ça. On pratiquait où déjà? On pratiquait dans notre 5,5 à moi puis Vincent. À toi. Ouais. C'était pas défense. Il y a pas les qui est venu juste une fois, le dernier soir avant l'université en spectacle. C'est ça qui a inspiré la chanson Danser Madame Danser aussi. Oui. Voilà, parce que... Que vous allez retrouver sur... Ah, c'est bien. Par pur hasard. Par pur hasard. Mais il faut dire en parenthèse qu'il manque un joueur. Là. C'est Danny Janvier qui amène, qui, est pas là. Qui vient rendre tout ça mielleux. Là, la voix de ses fous, ouais, c'est la voix de ses fous. Là. C'est vraiment c'est Danny qui est venu par la suite. On est allé vraiment le repêcher en premier tour, qui amène tout ce son là, un peu électro-ambiant là, qui vient tout donner le charme. Là, du le son, edge qu'on avait besoin pour... Exactement. Okay. Ouais. Pour tout bien caraméliser. Caraméliser la sauce Jésus Bench. Ouais. Ouais, d'ailleurs, il a fait des remixes aussi sur l'album. C'est Danny qui a fait ça, les pièces remixées. Sous le pseudonyme Bio Hasard. Ouais. Danny a fait deux remixes des pièces de Jésus Bench. Puis, ça ajoute un peu à l'album qui avait 6 pièces. Donc, on est rendu à 8 plus 1. Les pièces bonus, j'aimerais ça qu'on en parle un peu, qu'on le dise. Oui, parce oui. On a une grosse pièce bonus qui est toutes sortes de délires de studio qu'on a choisi d'ajouter à l'album. Question de le rendre plus vivant, donner un petit quelque chose. Ben, c'est nous autres, dans le fond. Petit bordel, Jésus Bench. C'est nous autres un peu, tu sais, de jammer puis dire des niaiseries de temps en temps. Fait que décider qu'on pouvait en mettre un bout sur un mini-album. Ceux qui aiment ça, ils l'écoutent. Ceux qui trouvent ça drôle, ils rient. Puis ceux qui trouvent ça plate, ils l'écoutent pas. Fait que... c'est au choix de l'auditeur, comme il dit, puis c'est un incitatif. Les compagnies de disques cherchent toujours des idées. C'est un peu comme un DVD. Il y a des options bonus, mais pourquoi pas? Ça, c'est vraiment... là. C'est marketing. Faut avoir, là. Faut y penser. Puis Dieu sait que nous autres, on pense marketing. On pense beaucoup. On est à nos affaires, on t'a dit. Hey, je vais parler d'un sujet dont vous êtes peut-être tanné d'entendre parler, le nom Jésus Bench 400 livres. Je sais que vous l'avez expliqué souvent d'où ça vient, pourquoi vous vous appelez comme ça. Est-ce qu'on peut le faire encore une dernière fois, expliquer? Regardez-moi pas les boys, c'est pas vous qui veux expliquer ça. On a été élu pire nom de groupe de l'année. Oui, merci Bande à part. Non, mais c'est pas si pire. C'était pas pire nom de l'année, c'était les noms les plus bizarroïdes. Ah, okay, on était les premiers quand même. On était les Bande à part. Selon Bande à part. Ça marchait pas par position nécessairement. On peut pas dire qu'on peut être fier d'avoir été les premiers nommés. Par exemple. Ouais. Et non, le nom du groupe qui est venu, dans le fond, on savait pas trop comment s'appeler. On soupait au Cambodjana sur la rue. C'est laquelle? C'est le Jean 23? Jean 23. Non, Art. Non, c'est pas Art. Jean 23. Je pense que c'est bien important de définir lequel. C'est Cambodjana. On revenait de notre cours de Télé2 avec Gab. Ah oui, c'est ça. Puis Vincent. Cambodjana. Ah, Jean 23. C'est très important d'avoir le bon lieu, Jean 23. Oui, mais qu'est-ce que vous avez mangé? On mange Général Tao, là-bas, Saint-Fabien. Okay, je vais pas faire la publicité, là, mais mon Dieu, il est croustillant. Ouais. J'adore ça. Okay. C'est ça. Moi, j'avais pris les Demoiselles de Mekong. C'est ça, Vincent? Oui. Non, ça, c'était au Paradis. Il y a le Pas de Paradis aussi. Ouais, mais ça, c'est pas un professionnel. En termes de goût, je dirais avec Fred. Fred? Pas de Paradis. Okay. Ouais, c'est pas la même place. Alors, c'est là qui est venu le nom. La bouche pleine de... Je sais pas. Ouais, ben, on avait plein d'idées. On s'était dit que ce serait drôle, le nom Jésus dans le groupe. Puis on s'était dit peut-être qu'on pourrait ajouter un nom tellement long avec Jésus dedans que les gens finiraient par nous appeler Jésus. Parce qu'on n'osait pas s'appeler juste Jésus parce qu'on trouvait ça prétentieux et whatever. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu l'idée c'est de... Whatever, c'est prétentieux pas mal, mais c'est pour ça qu'on ne s'est pas appelé whatever. Ouais. Puis, ensuite de ça, le nom Jésus Bench 400 livres est sorti comme ça. Et finalement, on n'était pas sûr. On a dit, on va donner une série de noms qu'on pensait... Différentiel Magma. Ah oui? Pourquoi Différentiel Magma? Pourquoi qu'on... C'est drôle, c'est Anthony. Il n'aimait pas le nom Jésus Bench 400 livres au début. Mais personne ne l'aimait, vraiment. À part moi. J'étais-tu le seul ou... C'est comme les canettes. Ben, moi, c'est... moi, sérieusement, je trouvais que c'était un nom très bizarre au départ. C'était... Effectivement. Et Anthony, il a dit comme ça, il m'a emmené dans le salon, il dit « J'ai pas envie que le monde nous appelle différentiel magma. » Puis on est tous par ça arrive, on trouvait ça très cool aussi. Fait qu'on a dit, bon, on va le proposer dans les noms. Fait que finalement, on a proposé où, différentiel magma, ouais. Jésus-Bench 400 livres et... Jésus-Bench 400 livres a passé finalement. C'est vraiment la main, on a fait voter le public à différents spectacles. Ouais, parce qu'on n'avait pas de nom au départ et on a fini le set en ayant un nom qui était Jésus-Bench 400 livres. Parce qu'au départ, on chantait en créole. on pouvait pas, là... C'est dur de se faire comprendre, de ne pas faire passer le message. Ouais, on voulait faire rentrer notre album au Québec, pas seulement à Tahiti. Donc finalement, vous l'assumez bien, là, aujourd'hui, votre nom, là. Ben oui, il veut pas. Moi, j'ai encore des remises en question. Moi, j'ai dormi des remises en question. Des titres, mais je l'aimais bien. Il y a tellement diminutif, la part des gens disent Jesus Bench. Jesus Bench, ouais. Ils disent même Jesus Bench. Ouais, Jesus, c'est beaucoup de gens qui vont aller chercher de l'anglophone dedans, mais c'est du francophone. Ouais, il y en a qui nous appellent 400 aussi. Il y en a qui vont dire. Pas vrai, ça, c'est pas des niaiseries. C'est très drôle, ça. Je cherchais un gars du genre à faire, mais t'as trouvé le bon. Excuse-moi. Bon, donc si on revient un peu à ce qui se passe présentement aujourd'hui dans la vie du groupe Jesus Bench 400 livres, vous avez un spectacle ce soir pour les auditeurs du jeudi. Ah oui, vous avez un spectacle à Shawinigan, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour le petit concours microsonique, donc c'est là qu'on va reprendre les armes et qu'on va... On remonte sur les planches, comme Anthony disait plus tôt. Ouais, on remonte sur les planches et on est très excités. Oui. Broadway Pub, d'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent. Ils sont intéressés de venir au Broadway Pub ce soir à 8h30. Jésus Bench 400 livres. Et c'est quoi l'autre band? C'est-tu plus tard que 8h30? Ça va commencer vers 9h30. Oh, ça va être tard. Ça va être tard. C'est quoi le nom de l'autre band? L'autre band, c'est The Colors. C'est un groupe de très bon band. On n'a aucune chance contre The Colors. Je ne connais pas, mais apparemment, c'est très bon. Moi, je connais pas ça. Ah oui? C'est pas toi qui m'as dit ça? Non. Ils sont bien frères. Non, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Ils sont frères aussi. Ouais, apparemment, c'est des chapeaux que tu belles. Mais est-ce que ça a vraiment de l'importance pour vous, les concours? Est-ce que vous allez là pour performer, pour gagner? L'idée, c'est de faire le plus de shows possible. Oui, c'est ça. L'important, c'est de participer, hein, comme on dit. Oui. Sauf quand on perd. C'est ça. Oublions jamais ça, Vincent, c'est comme Jean-Sébastien Giguère qui se fait retirer des buts après deux buts. Non, mais... Il est un petit peu choqué, fait que Sans farce, ce qui est bon avec les concours, c'est que tantôt, on parlait de notre ardeur au travail puis nos pratiques qui étaient fréquentes. C'est bon d'avoir des deadlines comme ça, des concours à participer, hein, pour pouvoir se rencontrer. Puis, ça donne un peu de rigueur. Une touche de motivation de plus. On est un ben assez paresseux en moyenne, fait que des deadlines, je pense que ça nous aide à se péter le cul un peu. Alors, l'autre fois, on a commandé une grosse pizza au lieu de se faire souper. C'était bien bon. Non, c'est vrai, mais c'est vrai, sans blague, ça c'est Fred. Mais il faut dire que Fred met beaucoup de temps dernièrement là-dedans. Là. OK, c'est Fred la rigueur dans le groupe. Ouais, Fred, je te dirais, pourtant avant c'était Nicolas, qu'on a comme expliqué à un moment donné, qu'il n'avait pas le temps. Ça, c'est drôle, il me semble, il est fort, non? Fait que là, on a Fred, naturellement. Frédéric Rigueur Saint-Don, j'ai envie de dire ça. Okay. Ah ouais. Puis il faut dire qu'on prend Danny aussi. Et là, Danny, il suit, puis il est bien heureux. Okay. On le salue d'ailleurs. On voudrait saluer. J'espère qu'il nous écoute. On donne des gros becs. Écoutez, l'imaginant, là, ça doit être assis sur un divan. Là. Mais moi, je vous parle un peu du spectre du concours auquel vous participez ce soir. Si peut-être vous ne savez pas, je vous l'apprends peut-être. Mais parmi les prix qui sont offerts aux grands gagnants, il y a entre autres faire la première partie du groupe Carquois. Oui. Et ça, vous l'avez déjà fait en fait. Oui, tout à fait, ici, là, à l'université, ici même, au 10-12. Spectacle de rentrée de l'année dernière, donc 2007, de l'autre année dernière d'avant. Oui, c'est ça. Hein? Ça fait 2007. Il y avait eu Around Joshua, il y avait eu qui d'autre? Il y avait Valsalva aussi, je pense. Valsalva. Puis un cinquième groupe que je ne me rappelle plus. Annie Carquois, bien sûr. Puis Annie Villeneuve? C'est pas Suzy Villeneuve. Un genre de Grégory Charles. donc ce spectacle rouge et bleu. Donc, finalement, tout ça pour dire que vous l'avez déjà fait. Donc, on l'a déjà fait, c'était pas une première partie, c'était plus un show de la rentrée où il y avait plein de groupes. Puis la bière était gratuite, donc on se rappelle pas de grand chose. Non, officiel. C'est non officiel, mais c'est sûr qu'une première partie de Carquois officielle, ça nous ferait plaisir. Non, c'est ça, entre autres. Microsonic, c'est un concours qui a l'air assez bien ficelé, puis tout ça. Puis les prix sont intéressants aussi. Fait que c'est une des raisons. C'est sûr que le but principal, c'est de faire un show. Ouais, carrément. Mais, je veux dire, si on réussit à avoir un prix en plus avec ça, c'est de gagner. Vincent? Non. Oh oui. S'amuser. S'amuser en gagnant. Sinon, si les gens ne peuvent pas aller vous voir, vous encourager ce soir au Broadway Pub, il y a une deuxième chance de se reprendre très bientôt pour aller vous voir en spectacle. Écoute, je suis content que t'en parles. Oui, et même que si vous hésitez entre Shawinigan et Trois-Rivières, je vous incite à aller à Trois-Rivières parce qu'on va avoir vraiment un set complet. Okay. Parce qu'à Shawinigan, c'est un set de 30 minutes, ça va être quand même intéressant. Mais on va vraiment avoir un set complet avec le groupe Shake It Corrida. Ils sont très, très, font de la musique bien intéressante. Très festive. Fait que ça va être un super beau rendez-vous, un beau petit party au Charlot, c'est une petite place. Fait que il devrait avoir un petit peu de monde. C'est bien intime. Et Nicolas, il aime ça quand c'est intime. Ouais. Mais moi, ce que j'aime, c'est les parties intimes. Personnellement, j'aime beaucoup mes parties intimes. J'aime tout ce qui tourne autour de ça. Là. Donc, on invite tous ceux qui ont des parties intimes à aller vous voir. Exactement. C'est-à-dire pas mal tout le monde. Sauf ceux qui ont eu des opérations. Sauf ceux qui ont le... Non, toutes les sortes de parties. Ouais, c'est plus rare. C'est plus rare, ouais. Ah, cette entrevue-là est remplie d'impertinences et de dates de spectacle par rapport, mais qu'on peut pas les enlever parce que ça enlevait les blagues. Les blagues étaient drôles en cette entrevue-là, je trouve. Ah, toujours. Ils sont toujours comme ça, les Jesus Ben. Ils sont très drôles. Puis en même temps, tu vois que c'est tous des amis, puis ça paraît en entrevue. C'est très drôle. Il y a une deuxième partie pour l'entrevue de Jesus Bench 400 livres. Ça s'en vient juste après la pause. Et en plus, la musique de Jesus Bench. Tout ça à Assemblage Requis dans le spécial sur nos entrevues préférées de 2009. Restez là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Et oui, vous écoutez aujourd'hui les meilleures entrevues de 2009 à Assemblage Rocky en compagnie de Kiwan et Mathieu. Et on a écouté avant la pub la première partie d'une entrevue de Jesus Bench 400 livres qui avait eu lieu en janvier dernier. Ça fait longtemps, au tout début de l'année, c'est dans l'émission Respecte les Dauphins. Et on va écouter maintenant la deuxième partie. Vous allez voir, dans la deuxième partie, vous allez reconnaître des références récentes. Si vous écoutez les émissions quotidiennes de C'est fou, entre autres le Dîner de cons, ça se pourrait que vous reconnaissiez des références là-dedans. Kiwan, t'es un cachotier, toi! Hey, t'as-tu le goût de mettre une chanson? Le monde l'a écouté, puis on va avoir le goût de venir nous voir. Ouais, on pourrait faire ça. C'est parce que vous êtes tannés, là, c'est ça. Vous en avez assez, c'est pour ça. Hein? Non, pas tout. Hey, on a vraiment du fun. Pour vrai, avec toi, Kiwan. On va revenir après. Ouais, on pourrait faire ça. Vous m'avez vous-même suggéré d'écouter la pièce Anana. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, ben on va laisser ça à Nicolas. Parce que c'est lui qui voulait l'écouter, c'est ça? Puis il va t'avouer, regarde, à un moment donné, lui-là. Non, c'est ça. Le problème, là, c'est qu'Anthony nous est arrivé avec cette pièce musicale incroyable et j'ai tout gâché avec les paroles. Non, je les aime. Moi, je les aime. Puis si vous voulez une définition, je vous la donnerai après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, bonne idée. Mais, tu vas l'écouter pendant ce temps-là. Tu vas te réveiller dans tout. Non, je m'en rappelle très bien. C'est ça, Anthony... On se faisait dire que toutes nos tunes commençaient très planantes et Anthony s'est tanné puis il a dit je vais en faire une qui a une attaque choc si je peux me permettre. C'est comme Fred l'a bien dit, c'est comme un roller coaster et on a juste envie d'embarquer et de se laisser emporter. Ouais, j'ai dit ça plusieurs Laissez-vous fois. Laissez-vous bercer par la vague. Oui. OK, ben on va aller l'écouter puis on revient après. Merci. Super. Anana de Jesus Bench 400 livres. Au coup cousse mon C'était la pièce Anana du groupe Jesus Bench 400 livres. On n'a pas vraiment pris de temps pendant qu'elle jouait de l'analyser, je vais vous avouer. On avait d'autres sujets de conversation. Ouais, c'est bon. Parlez de quoi, les gars? Le hockey d'hier. Ça a mal joué en mots, t'as dit. Ah, c'est net, hein? Ça a pété. On pourrait-tu parler du prix du gaz un peu, s'il vous plaît, boys? Raconte-nous, explique-nous la toune, Anana. C'est une hymne au confort, Anana, pour ceux qui ont pris le temps d'écouter les paroles. Là. Donc, ça parle. Ça parle du confort qui s'enligne vers le désir de confort ultime, si je peux me permettre. Ça a bien de sens. Et pourquoi? Excuse-moi. Oh oui, vas-y. Parce que même, des fois, même nous, des fois, on l'interprète. On ne veut pas qu'ils nous le disent pour qu'on l'interprète dans notre manière. Mm-hmm. Et pourquoi Anana? Anana, ça, c'est... C'est complètement absolument super... Anana, c'est l'image, dans le fond. C'est le refrain. On est parti d'Anana. Donc, il n'y a pas de pourquoi plus Anana. Que, ça aurait pu être pamplemousse, mais c'est Anana. T'es parti okay. Anana, dans le fond. Ouais, parce que le refrain, c'est Anananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan d'ananas, c'est l'image de ce confort. Mais lui, mais là, t'es en train de me dire. De toute façon, j'adore le jus d'ananas. Et puis, personnellement, je suggère à toutes les hommes parce que ça fait le sperme goûter bon. Ah, mais saviez-vous que ça mûrit pas un ananas quand on l'achète? Ça mûrit pas. Ça, comme une banane. Hein? Ouais, ben moi, mais moi, ma ça question, pourrit, ça veut dire que t'as jamais vu de pleurs piquantes qui pleuvaient, dans le fond. Oui, ben oui. Oui? J'en vois toujours dans ma tête, Frédéric. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Okay. Oui, des pleurs piquantes. Prochaine question. Des pleurs piquantes. Non, j'ai pas de question. On peut continuer à. Non, mais c'est le fun de savoir parce que, tu sais, même des fois, nous, on est là. C'est venu de nos conforts, c'est ça, tu sais, les pantoufles dans le micro-ondes, les couvertures. Ah, pantoufles pour avoir les pieds au chaud. Oui, exactement, tu comprends? Il y a vraiment des pantoufles, puis ça, c'est des. J'étais serveur, puis j'entendais des clients parler, puis la fille a dit à son amie, tu sais, puis je savais pas que ta mère avait des pantoufles qui allaient au micro-ondes, tu sais. Ben, il dit ça, tout est estomaqué, comme si sa mère c'était Babe Ruth, tu sais. ça m'avait amusé, puis c'est de là que j'ai commencé à écrire Anana à partir de ça, donc les pantoufles qui allaient au micro-ondes, puis j'ai décidé d'en faire une hymne au confort parce que, ben, j'avais le goût d'être confortable cette journée-là dans mes couvertes au chaud. Bon. Voilà. C'est bien expliqué. Ouais, on peut pas y reprocher. C'est satisfaisant. Ça n'a pas l'air brillant tout de suite, mais quand ça explique, on peut pas y reprocher. Avec la musique collée dessus, ça marche. Ah, c'est ça fit. Ouais. Mais l'important, c'est que ça marche. On verrait pas au nu de la poésie, par exemple. Mais... J'ai. Mais tu sais, c'est ça, mais sans joke, Jésus Ben, tu sais, c'est ça, c'est de la musique authentique, tu sais, légère, tu sais, un peu naïve. Sans aucune prétention. C'est ça qui est beau, je pense. Puis on est, au départ, ça a l'air qu'on est cinq bons chums, là. Fait que moi, je pense que c'est ça qui fait un peu la magie, là. Ouais, je dis bien franchement, là, je parle sérieusement, là. On est cinq amis qui sont vraiment, là, qui ont aucune... Attends, je vais commencer le mot pudeur au départ. Et aucune gêne, aucun orgueil. Donc okay. Ça, je veux dire, ça amène toute cette énergie-là que je pense que ça vaut bien tout ce qu'on pourrait faire avant tout. C'est un trip de cinq amis qui commence à plaire un peu, je pense bien. Qu'on espère. Cool. On l'espère, en tout cas. Cool. En tout cas, nous, ça nous plaît. Donc, pour en revenir, si vous me permettez, moi, j'ai absolument pas de problème à vous écouter discuter entre vous autres. Je trouve ça vraiment très cool, très drôle. Mais on va revenir un petit peu à l'album, parce que c'est votre premier album officiel, et puis il est tout nouveau, là, comme je le disais au début, il vient juste d'arriver. Fred, t'es arrivé avec, les gars, vous l'aviez même pas vu encore. Exact. Et puis, est-ce qu'il va y avoir un lancement qui va être fait pour cet album-là? C'est possible. On prévoit de faire un lancement. Quand? On le sait pas. J'aimerais ça peut-être... Le printemps froid ou, mettons, mars, février-mars, hein? L'hiver, finalement. Quelque chose de même, là. On prévoit faire un petit lancement Montréal-Trois-Rivières-Québec. Ouais. Moi, je travaille plus. Moi, je suis de Québec. Je travaille là-dessus. Okay. Vincent travaille sur rien. Nicolas travaille un petit peu à Montréal, je pense. Et Frédéric, ben, faut bien dire, c'est notre ambassadeur à Trois-Rivières. C'est avec, le pied à terre. Okay. Oui. Oh, oui. Avec Danny d'ailleurs, Danny aussi qui est notre ambassadeur. Mais éventuellement, il va avoir une petite tournée de lancement. Là. Oui. C'est sûr qu'on va le rouler, on va essayer de le rouler longtemps pour se faire connaître le plus possible parce que en dehors de Trois-Rivières, pour l'instant, c'est quand même assez jeune. Okay. Oui. OK, donc on va surveiller ça pour les prochaines semaines. Ouais, mais sur le sur notre MySpace, je pense que. Hein, Vincent? On peut suivre ça sur le MySpace. Oh, absolument. On est connecté là-dessus, on met des mises à jour éventuelles. Et c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nommer l'adresse MySpace? Vous la savez par cœur? Ah ouais, mais c'est dur pour le monde. Oh, ben pas dedans. À chaque fois, il y a des affaires sérieuses, les gars, ils se retournent vers moi. Mais non, c'est pas compliqué. C'est myspace.com, ouais. Jésus Bench, 400 livres. Mais Bench, pas de E, puis 400 livres avec un S. 400, un chiffre livre avec un S. J-E-S-U-S, B-E-N-C-H, 400. Tout le monde ensemble. L-I-V-R-E-S. Et total, Jésus-Bench, 400 livres. Oh, c'est super facile. Ouais, sinon, vous le tapez dans Google, c'est pas trop compliqué. Ouais, il doit pas avoir beaucoup de... On apparaît premier. Jésus-Bench, là, ça... On a payé, on est actionnaire pour Google. Ouais, comme ça, vous êtes sûr d'avoir toujours l'exclusivité. Moi, j'ai acheté... J'avais-tu dit j'ai emprunté pour acheter Google? Oui. Ouais. J'étais allé à la caisse. C'est un jour qu'ils ont perdu genre 13 milliards. C'est justement ça. J'ai l'acheté pendant qu'il crachait. Ça peut juste remonter. Mais c'est à cause de la crise économique puis tout. C'est une joke pour vous autres. Ils sont pas nécessairement. C'est deux pets qui se rencontrent. Il y en a un qui demande à l'autre, il dit toi, comment ça va? L'autre répond oh. Ah, c'est drôle, moi, je suis allé chez le médecin hier. C'est pertinent. Ça. J'aimerais ça, parce que tu savais qu'on avait travaillé ici un bon temps. Oui. Très rapidement. Par rapport à des styles d'intervention comme ça, vraiment rapidement, nous, on avait un spécialiste à l'époque. C'était un docteur qui était à Scattenbury. C'était monsieur docteur Paul. Je n'aimerais pas son nom, c'était monsieur Paul Caca. Et je crois qu'il vient analyser cette question. Alors, bien sûr, et évidemment, bonsoir. Monsieur Caca, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, là, en 2009, là, mm-hmm. à la radio, oui. des commentaires comme ça avec Vincent, comment, rapidement, parce que je ne veux pas qu'on prenne trop de temps dessus, comment qu'on interprète ça? Vite. Bon, on interprète, dès le départ, le commentaire de notre ami Jolivet est très, très juvénile. Donc, on parle de quatre garçons qui parlent d'un album et subitement, sans inadvertance, Vincent vient nous parler d'une blague de paix. Oui. Une blague de paix qui est... Il incorpore bien sûr un bruit de paix comme... Alors, Vincent... Rapidement, conclue. Rapidement, c'est très, très drôle. Parce que ce que je tiens... Et ce que je tiens à préciser au niveau du paix... C'est que le paix est désagréable et il est très gênant pour la personne qui commet le paix et surtout très désagréable pour les gens qui doivent le sentir. Alors, le seul bon côté du paix, et c'est ici un docteur diplômé de l'université de Scattenbury qui vous le dit, c'est l'humour. Le paix est drôle. Alors, s'il vous plaît, riez de vos paix. Merci. Ouais, puis en même temps, c'est tellement un bon, c'est tellement une bonne question pour dépanner en entrevue quand on sait plus quoi dire. Oui. C'est comme quand il y a plein de monde dans une petite pièce comme ça, qui a pété? Qui a pété? Voilà, exactement. On revient toujours là-dessus. Ouais. Comme la météo. Oui. J'ai de la douceur rapidement, Anthony? Ah, ben, salut à tout le monde. J'espère vous allez encourager à tout le monde. J'aimerais saluer tout le monde à Trois-Rivières. J'arrive de l'Inde. Je suis allé chercher la souche Kerr. C'est du gras de mamelle de veau mort pour faire un parfum extraordinaire. Effectivement, on fait flamber avec l'intestin du mort et ça donne un parfum extraordinaire. Alors, je salue tout le monde et vous savez, Simon, vous avez Gilles Ledoux pour voir mes nouveaux parfums. Gilles Ledoux, sœur. Oh my God. Ça, c'était la bonne époque. Merci de nous faire revivre cette énergie. Ça fait ça. Mais Frédéric venait aussi à l'époque. Ouais. Il nous faisait des petits tours. On s'amusait. Il faisait des bonnes vidéos. Frédéric, il ajoutait un côté un peu plus crédible. Oui, c'est ça. Donc, pour ceux qui comprennent peut-être pas, ben, malgré qu'il n'y a pas grand-chose de si dur à comprendre, mais c'est des personnages que vous interprétez. Oui, c'est des personnages qui étaient même connus à l'époque qu'on étudiait ici, un peu sur le campus. Leur nom avait été fait relativement. Ah oui, moi, je me faisais arracher mon linge dans la rue, complètement. Et Gilles, lui, ben, vous ne tombez pas où le dire. Parce qu'il y avait le. Ça brassait en Inde. Il se penchait pas mal, le petit Gilles. Oh oui. Il avait le dos courbé. Voilà, donc. Ben c'est pas parce que je suis tanné, mais je pense que... On a fait le tour. Hein, on finit sur une belle note. Merci beaucoup, Kiwan. Merci de nous avoir invités, c'est gentil. Non, c'était vraiment un très beau moment. Ouais, merci à toi. Mais pour vrai, on se donne rendez-vous, puis ouais. On va avoir notre album tout frais, tout beau, si ça vous intéresse. Ouais, mars prochain, le 29, au Charlot, à Trois-Rivières. Oui, donc ça va être possible. Je pense qu'on le vend à 100 piastres, c'est possible? Ouais, 100 piastres et 7. C'est ouais. Sûr qu'on arrondit si les gens n'ont pas le 7 sous. Là. Okay. 100 yens. OK, donc l'album va finalement être disponible en spectacle. Pas ce soir, je pense, hein. Pas à Shawinigan. Ouais, il va être disponible à Shawinigan. Ouais, okay. Ouais, vous viendrez nous voir directement. Parce venez que, à Shawinigan, venez nous acheter cet album. Je ne sais pas si on peut vendre des CD, mais on va arranger ça dans les toilettes. On va le vendre, c'est ça, vrai, en même temps. Dehors, là, ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Fait que c'est ça. Mais là, on est rendu là. Hein? Parfait. On est là. On traversera à pont quand ça sera rendu à Rivière. Voilà. Merci beaucoup, les gars. Hey, merci ça à fait toi. Vraiment merci. Plaisir. Puis on va écouter une autre pièce de Jésus Bench. Pourquoi non. pas? Est-ce on peut choisir, mais comme il y avait trois pièces sur le MySpace, donc moi, je suggère d'aller vers les autres. On peut peut-être mettre un remix à Danny Janvier qui tourne beaucoup, le remix de l'Index. Oui. Donc, le remix Bio Bazar de l'Index. Remix? Non, ça, c'est plus du... Rémi. Tu connais Rémi? Ah oui. Bon, remix, c'est un peu... Parfait, le remix qui pogne, ça pogne. Ouais, c'est ça, c'est une nouvelle entrée cette semaine dans les palmarès francophones, c'est fou. Ben, pour Danny, on est dédié, merci donc, Danny. Oui. Ah ouais. Voilà. Est-ce qu'on te laisse cet album-là pour que tu le donnes à ces fous et qu'ils mettent une étiquette dessus et que vous le fassiez jouer dans l'avenir? Ben, on pourrait faire ça. OK, bien, fait que c'est ça. Piastres. Voilà. C'est 100 piastres, hein? 7 $. 5 et 7. C'est fait, donc. On va rester hey, merci, Sandra. Okay. Merci beaucoup. Merci pour vous. Ben, merci à vous. Donc, je vous laisse aller ajouter de l'argent dans votre parc commun. Je pense qu'il est on était sur le 15 minutes depuis une heure. OK, c'est bon. Kiwan, je te félicite d'avoir réussi à passer au travers de cette entrevue-là en direct en janvier passé. Ah non, mais c'était facile avec les gars, là. Tu les laisses aller, puis tout va bien. Ils disent n'importe quoi. Je te dirais que j'ai connu beaucoup pire, là, dans le type d'entrevue qui peut dégénérer, là. Oui, vraiment. Mais t'étais leur voisin, toi, si je me trompe pas. De certains des gars de Jésus Bench, non? Ben moi, je les ai connus, Jésus Bench, un 1er juillet, là, environ 3 ans, où j'ai emménagé dans leur ancien appart, l'appart où ils pratiquaient, puis où tout a commencé. C'est l'appart que j'occupe encore, même aujourd'hui. On dira pas où, donc. J'étais hein? voisin de d'autres membres du groupe, puis bon, voilà. Aïe. Bref, ouais. C'était une entrevue qui avait eu lieu en janvier 2009. C'est une de nos entrevues préférées. Pourquoi? Parce qu'elle est drôle, elle est stupide, elle mène nulle part, puis on aime ça de même. Ouais, je pense que ça va rester dans les annales. Ah, une blague de Paul Cacasse, hein? Dans les annales de C'est fou pour longtemps. Et Jésus Bench, même s'il n'existe plus aujourd'hui, bon, on le disait, dans l'entrevue, il parlait un peu de Bio Bazar, Danny Janvier, son C, ça existe toujours. Danny a même sorti un album récemment. Futuristic Psychedelic Archives. Exactement. Il y a d'autres membres aussi de Jésus Bench qui sont rendus ailleurs, qui font d'autres trucs. Et même d'un groupe qui joue ici assez fou, Chambre 22. C'est un projet dans lequel fait partie, entre autres, Nicolas Dafonseca de Jésus Bench 400 livres. Et c'est ce qu'on va aller écouter tout de suite. On va tout de suite aller écouter une pièce de Jésus Bench de Chambre 22. Voici Touche-toi à Assemblage requis. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est l'émission avec les entrevues préférées de nous deux, Kiwan et Mathieu. Pour encore une bonne demi-heure. Touche-toi, touche-toi, touche-toi, touche-toi, touche-toi, dès comme il faut, mais moi tu sais comment faire, t'as pas besoin de mes commentaires. Touche-toi, t'es comme il faut, baisse-toi. Moi tu sais comment faire, t'as pas besoin de mes commentaires. Chambre 22 avec Touche-toi dans Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Toujours dans l'émission, on vous présente nos entrevues préférées de l'année. Oui, on voit que l'esprit de Bench 400 livres continue un peu à travers Chambre 22. Oui, c'est beau à voir, quelque chose comme ça. Au retour, Vanesse Pariétaire, restez avec nous. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou comme un balai. C'est vraiment un de nos moments préférés à nous deux, Kiwan et moi, de l'année au complet. Oui, notre petit moment de fan fini qu'on a passé avec le groupe Vanesse Pariétaire, parce qu'en fait, le groupe a composé la musique originale. Si on n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de les remercier d'avoir composé toute la musique, l'enrobage musical de l'émission. Mais quand ils sont venus nous voir au mois de octobre. C'était le 5 octobre, oui. 5 octobre. Assemblage Requis. Quand ils sont passés ici, ils nous ont offert la pièce originale qu'ils ont composée, mais en version acoustique. C'est ça qu'on vient d'entendre, dans le fond, l'intro de l'émission en version acoustique. On va la chérir pour le restant de nos jours, je pense. On va la coller fort fort et l'embrasser. Oui, ça nous arrive de la passer à l'occasion. Voilà. Donc, on va aller entendre l'entrevue. Ils étaient en studio avec nous, comme je le disais, le 5 octobre. Donc, Vanesse Pariétaire. Mais pour l'instant, on va commencer ça tout de suite, vraiment sans plus attendre, avec une performance acoustique de Vanesse Pariétaire. Donc, on laisse la place. Parfait. Cette fois toi tu suprêmes toute chance de marcher sur du sable. La pièce Exil, version acoustique par Vanessa Pariétaire. Donc, c'est Pépé et Alexandra, Pierre-Philippe et Alexandra qui sont ici en studio. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui, vous autres. Ouais. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous avoir avec nous. Très, ça très heureux. Ça me fait très plaisir d'être ici. Ah oui, ça fait longtemps qu'on vous aime, qu'on sait que vous nous faites jouer un peu, fait qu'on est bien contents de venir nous voir, finalement. Ben oui, nous autres aussi, on vous aime beaucoup, on fait jouer beaucoup même. Wow. Hey, on parlait un petit peu du groupe, parce que malgré le fait que nous, on vous aime beaucoup et qu'on vous connaisse quand même assez bien, il y a peut-être des gens qui vous connaissent un petit peu moins, vous, Vanessa Pariétaire. Peut-être si on peut parler un peu du groupe, comment ça fait longtemps que vous existez et puis comment ça a commencé, tout ça, ce projet-là. Oui, Vanessa Pariétaire, dans le fond, c'est né... nous autres, on était tous dans des bandes différents avant. En fait, moi, Louis-Antoine, qui est le batteur, puis Kevin, qui est le bassiste, on était ensemble. Puis Alex était dans un autre groupe. Puis on avait un autre membre avant qui était dans un autre groupe, en fait, qui était avec les Gommes de Monarque. Puis ça a tout fini par chier d'une manière ou l'autre. Fait qu'on s'est ramassés ensemble. Puis ça fait à peu près un an. Un an, à peu près, un petit peu plus. Ça fait plus qu'un an, dans le fond. Ça va faire 2 ans, je pense, en mars prochain. Fait que, ouais. Ça fait au-dessus d'un an et demi qu'on est ensemble. Puis c'est ça. Essentiellement, on a commencé... on avait toutes pas mal des influences semblables. Puis on a commencé à composer. Puis c'est parti de même. Ouais. Parlons des influences un petit peu que vous avez, d'autres groupes de musique que vous aimez, que vous écoutez. Surtout du Nine Inch Nails, en fait. Il y a souvent du monde qui me compare à Malajub puis à Carquois puis tout ça, mais en fait, on en écoute puis on aime bien, mais nos vraies influences, c'est plus les groupes alternatifs des années 90, Radiohead puis Sigur Rós, Nine Inch Nails, tous ces groupes-là qui nous ont influencés quand on était un peu plus jeunes, au secondaire puis même avant. Même un peu de Tool. Ouais, Tool. Beaucoup de Tool, en fait. Si vous écoutez nos tunes, il y a souvent des complexités dans les signatures de temps, ça vient de Tool. Puis sinon... pas mal soul, ça fait le tour. vous avez sorti votre premier album, ça fait pas très longtemps, c'est au mois de juillet, la mer était vide. Ouais. Vous avez choisi de le donner, cet album-là. Ouais. Pourquoi vous avez choisi de le donner comme ça? Pourquoi t'as choisi de le donner, Alex? Ah, c'est ta faute? Non. Non, mais c'est grâce à toi. Non, non, ça arrive. Non? D'accord. c'est juste pour la piéger. Pas en doute. En fait, au début, on magasinait les compagnies de disques, on se demandait comment le sortir. Puis, dans le fond, on était ouvert à bien des options. Finalement, on a décidé d'y aller de même parce que on s'est rendu compte que même quand t'es signé, tu vas pas nécessairement vendre des disques, mm-hmm. puis tu vas pas nécessairement en vivre. Fait que de le faire comme ça, en fait, de rester indépendant puis de le donner, ça nous permet de le faire à notre sans vitesse, condition non sans plus. Condition, puis dans le fond, de sortir notre musique quand qu'on veut. Déjà, on a un EP de prête qui va sortir au début de l'année prochaine. Fait que c'est de garder toute la liberté dans le fond, puis aussi c'est être conscient que c'est le même, ça marche aujourd'hui. Il n'y a presque plus personne qui télécharge pas. Non. C'est ça. Puis c'est rendu que les gens vont plus voir des spectacles, justement, pour. C'est comme ça que les groupes se font de l'argent. Puis en même temps, en rendant l'album gratuit, ça fait que plus de monde vont l'écouter, donc plus de monde vont venir au spectacle potentiel. Ben, c'est ça qu'on espère. Avec le temps. C'est ça qu'on veut. Ouais. Sinon, vous disiez, non seulement l'album est gratuit, mais encore plus que ça, il y a une licence Creative Commons. Donc, vous encouragez les gens à graver, à le partager, à le remixer, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ben, remixer, en fait, ça, c'est un projet qu'on veut faire depuis un bout, mais qui s'est pas encore concrétisé, peut-être parce qu'il y avait pas nécessairement la demande. Mais c'est d'offrir, dans le fond, aux gens vraiment les multitracks, là, tu sais, chaque piste séparée pour qu'ils puissent jouer avec ça. On l'avait fait pour le filet et la bine, ça fait un bout, puis on n'avait pas. Il y a personne qui avait envoyé le remix. Donc on s'est dit, bon, peut-être que ça vaut pas tant la peine, mais en tout cas, il y a la possibilité éventuellement de faire quelque chose du genre. Mais ça va être légal, en tout cas, Max. Ok, ouais, au moins. Ouais. Donc peut-être éventuellement un album de remix de Vanessa Parietta. Moi, j'y ai pensé, en fait. Ouais. Faudrait que. Peut-être, moi, j'avais pensé peut-être aller chercher des amis. Il y avait peut-être une possibilité à un moment donné de faire une tourne avec MC Brutal de Gatineau. On avait une tourne électro, puis finalement, ça tombait à l'eau. On n'a jamais eu de nouvelles, mais j'avais envoyé la tourne. Ouais, c'est ça, parce qu'il a l'air assez occupé avec l'album de Gatineau. Mm-hmm. Mais j'ai pas eu de nouvelles depuis. Mais en tout cas, il aimait bien la pièce. Peut-être un jour, qui sait. Ouais. Cool. Et puis, vous disiez que vous aviez des nouvelles pièces un peu que vous avez commencé à faire pour un prochain EP que tu disais qui va sortir bientôt, qui va toujours être indépendant, c'est ça? Oui, pour l'EP, ça va être indépendant. Dans le fond, on prend notre temps aussi pour ne pas le sortir trop vite, laisser le temps un peu à la marité vite de rouler. Puis, dans le fond aussi, on veut le sortir pas trop longtemps non plus, tu sais, pour tout le temps avoir un roulement dans qu'est-ce qu'on sort. Puis ouais, il va être indépendant, il va sûrement être gratuit encore. Puis là, on travaille un peu sur, s'il y avait un concept narratif dans le premier, il va en avoir un aussi là-dessus. Okay. Puis là, on travaille là-dessus dans le fond pour, c'est parce que le premier c'était un journal intime. En fait, si vous allez sur le site internet vanessaparietta.com, vous pouvez télécharger l'album. Ça vient avec un PDF qui est dans le fond un journal intime qui raconte l'histoire de l'album. Puis pour le EP, il va y avoir quelque chose de semblable, mais ça risque d'être un court métrage. Vidéo? Oui. Ah, wow. Super. Vous avez fait un vidéoclip d'ailleurs pour la pièce Le Décalogue. Oui. Et puis, ça, c'est vous qui l'avez fait vous-même ou? Ouais. Absolument. Donc, c'est du travail d'équipe, du travail fait maison. C'est du travail individuel. Okay, c'est du travail juste de toi. Fou d'une personne. Oui, c'est ça. J'ai fait ça avec le eyesight de mon. La webcam intégrée de mon MacBook. Ah, c'est super. Okay. Ouais, puis en retouchant chaque image à la fois sur Photoshop. Wow. Ouais. C'est quelque chose pour voir qu'on peut faire plus que juste prendre des photos de soi-même avec des faces différentes, des petits effets. Ouais, dans ouais, c'est ça. On peut faire quelque chose de très beau comme ça. C'est ça, étant donné que Photoshop a repassé sur chaque image, ça éliminait tous les défauts. Ouais. Fait que ça donne quelque chose de pas si pire. Ah, c'est super. Par contre, là, tu disais que c'est toi qui as travaillé ça là-dessus, mais j'entends dire que vous avez eu de l'aide quand même sur, par exemple, le graphisme du site web, des trucs comme ça qui sont d'ailleurs des choses vraiment belles qui ont été faites par des gens que vous connaissez, des amis. Oui, Félix Langlois a fait tout le design du site internet. Puis Mathieu Potvin a fait toutes les illustrations qu'il y a à l'intérieur du journal intime. Puis dans le fond, c'est ça, on savait qu'on voulait nourrir visuellement le site internet puis le PDF. Nous autres, on n'est pas graphistes pour Saint-Saëns, personne en gang. Donc on allait chercher des amis, dans le fond, qui avaient des aptitudes là-dedans. Puis ils nous ont fait ça, puis on lui doit toujours de l'argent d'ailleurs. On ne vous oublie pas. On va régler les comptes éventuellement, ici. Éventuellement, ne craignez guère. À très guère. Ouais, ouf. Ouais. Oh. Hey, je ne m'en ai des titres de chansons, c'est pas moi, elle un peu trop. Vous connaissez quand même un peu Mathieu. Ouais, ouais. Malheureusement. Ben non. Moi, j'aime tes jeux de mots, je suis fan. Hey, merci. Ouais, vraiment. Encourage-le pas, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Attends une minute, je vais en trouver d'autres. Essentialiste. Quand vous avez commencé, vous étiez 5, comme tu disais tantôt, vous êtes maintenant 4, il y a un guitariste de moins. Ouais. Comment vous adaptez ça? Est-ce que vous avez l'intention, premièrement, de revenir à 5 un jour ou vous continuez vraiment à 4? Pas vraiment, parce qu'on s'est rendu compte que comme ça sonnait à 4, ça marchait, on a juste réadapté, on a acheté des parts préenregistrées ou lui il reprend d'autres bouts de git. Il joue deux git en même temps, puis je reprends des bouts de git au clavier ou C'est spécial. La guitare aussi, des fois. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Puis aussi, c'était d'aller chercher quelqu'un d'autre. C'était l'idée que, tu sais, on commençait à avoir une chimie, puis à avoir une unité de groupe. Une famille. Ouais, c'est ça. Puis d'aller chercher quelqu'un d'autre, puis l'impliquer là-dedans, c'était comme, ah, c'était pour être de la job. Puis, ouais, en fait, on a fait des annonces un peu sur Internet, mais on n'a pas vraiment cherché. Tu sais, on s'est pas donné la peine de trouver quelqu'un. Puis finalement, on aime mieux ça à quatre. Puis, fait que ça va rester de même, en tout cas, pour un bout. Tant que ça va bien comme ça. Hein. Ouais. Vous allez faire un peu de gymnastique sur scène. Pour, ouais. Moi, je cours d'un bout de mon clavier à l'autre. C'est ça, une chance qui est longue, ton clavier. Elle joue de la guitare à deux cordes aussi. Mm-hmm. Avec les moyens du bord. Hein. En tout cas, il y a de l'énergie quand même dans le groupe, hein, parce qu'on les a vus en spectacle. Puis Kevin, qui n'est pas présent aujourd'hui, on peut en parler quand même de lui. Il bouge, lui. Il sert vraiment des éléments qu'il y a dans la place où il joue, je pense. En tout cas, l'expérience qu'on a eue, c'était qu'il tapotait sur le plafond, n'importe quoi. Ah, c'est ouais. Il s'est blessé d'ailleurs pendant le show. Ah, sans blague. Hein. Ça a l'air, ouais. C'est coupé la main sur le plafond. Mais en fait, ouais, Kevin, il étudie en théâtre, donc il est bien à l'aise avec son corps. Ouais, ouais, fait que, ouais, lui, c'est son buzz. Il aime bien ça, se pitcher partout, puis donner l'énergie. Nous autres, on est souvent plus groundés. Ou Antoine, le batteur aussi, il bouge, mais tu sais, ouais. C'est assez physique. C'est un batteur. Mais Kevin, c'est un troll. Justement, on est allé vous voir en spectacle en fin de semaine à Québec, puis vous avez fait quelques nouvelles pièces. J'ai eu l'impression que il était un petit peu plus rock, peut-être, les nouvelles pièces. Est-ce que c'est vers ça que le P, ça s'en va? Ça va ressembler à quoi, là, une nouvelle pièce? Semi. Semi, oui. Plus ou moins, il y a quelques pièces qui sont plus élevées. Mais le P est assez catchy, pas mal pop en général. Il y a 6 pièces. Puis, oui, c'est un peu plus rock que le premier, c'est un peu plus élevé, mais c'est pas une tendance. Là. OK. Plus tard, en fait, la direction qu'on voudrait prendre pour un album après ça, ce serait peut-être plus vers l'électronique, puis un peu plus sombre, puis plus complexe. Mais, ouais, il y a quelques pièces un peu plus rock sur le EP. Mais finalement, vous voulez pas vraiment là, mettre un son particulier sur le groupe et être pris avec ça, vous voulez quand même. On se donne la liberté, mais essayer peut-être de faire des albums qui sont plus homogènes, mais peut-être changer la formule d'un album. À chaque album, album. Okay. Ouais. Ben justement, le maxi que vous aviez sorti avant La mer était vide, qu'on avait reçu ici, c'était, dans le fond, ça faisait partie de l'histoire de La mer était vide, mais dans le désordre un peu. Ouais. Là, les pièces du maxi qu'il y a là sont des morceaux qui sont déjà prévus pour l'album au complet, donc c'est comme des avant-goûts de l'histoire, là. Ouais, en fait, ce qu'on vous avait envoyé, c'était juste un sampler des tunes. C'était pas nécessairement un EP. En fait, quand on vous a envoyé ce CD-là, la liste des tunes était pas mal déjà coulée dans le béton. Puis okay. on savait ce qu'on ferait avec ça. Puis c'est ça. Les autres radios aussi, souvent, disaient que c'était un EP ou que c'était l'album Vanessa Parietta. Je pense que vous autres, vous aviez appelé ça l'album Vanessa. C'est dur à savoir, vraiment. Ouais, c'est ça. Mais c'est notre faute aussi. On n'est pas clair. Ouais. Pas clair. Ouais. Oui, mais c'est ça, en fait. Ouais, c'était comme juste un sampler pour donner un avant-goût de l'album. Mm. Uh-huh. Ouais, bon. D'accord. Non, mais c'est une bonne affaire de nos précisions. Ah oui. Vous pouvez updater votre votre database. Absolument, absolument. Là, vous êtes première position sur le palmarès de Bande à part en ce moment ou vous l'étiez récemment, c'est ça? Vous avez été sur le palmarès de Bande à part? Pas en ce moment, ça. Okay. On a été pendant une semaine numéro 1, je pense. Puis même Monarque est sorti, puis ils ont repris la place. Ah, c'est pas fin. Mais vous êtes dans le palmarès de C'est fou, au moins, donc. Ouais. Oui, c'est cool. On est sur Chiz aussi, on est dans le top 5 à Chiz. Il y a quand même pas mal d'engouement donc, pour le groupe. Moi, j'ai vu aussi quelques critiques de l'album. Donc, même s'il n'est pas sorti en format physique, il y a quand même eu de l'engouement. Les journalistes se sont quand même donné la peine. Ouais, d'écrire ça. On était contents aussi. C'est sûr qu'on a harcelé pas mal de monde par email là, pour qu'ils en parlent. Ça fonctionne pas toujours, c'est parce qu'ils sont harcelés de tout bas, de tout côté. Non, les c'est ça. Donc, c'est ça. Mais il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Puis on est bien contents. Ça nous a donné pas mal un gros boost de visibilité. Là. Juste, on a une critique assez positive dans la presse. Puis on a remarqué que les downloads ont vraiment augmenté la semaine d'après. Là. Fait que c'est cool. C'est cool, dans le fond, que ça nous donne une crédibilité, ça nous met ça en map un peu. Tu sais, que vous aviez participé aussi l'année dernière au Francouverte. Ouais. Je pense que ça n'avait pas été si bien pour vous. Ouais, ben, en fait, c'était pratiquement notre premier show. C'était notre troisième ou notre quatrième show. Puis quand on s'est inscrit au Francouverte, on n'avait même pas encore fait de show. Fait qu'on avait pas tant d'expérience, puis c'est sorti tout croche. Mais c'est pas ça que je voulais pas vous dire que vous aviez pas fait. Non, on n'est pas insulté. Non, ce que je voulais dire, c'est que vous avez quand même profité pour faire quelques contacts. Je pense qu'on vous a quand même remarqué là, pendant le show. Oui, mais c'est sûr que quand ton nom est plastré ces murs de toutes les affiches, puis dans le voir, c'est sûr que ça donne une visibilité, puis une crédibilité, encore une fois, d'être dans les francs couvertes. Mais l'expérience en tant que telle, ça a pas donné des faits concrets par après. Là, pas eu d'offre de contrat de disque. On avait eu une offre avant. Okay. Ouais, c'est ça, on avait eu. Ouais. Okay, fait que vous tenez vraiment là, à rester indépendant. Si demain matin, là, une compagnie de disque vous harcelait pour produire votre album. Non, ben ça dépendrait. Il faudrait que ça soit dans les bonnes conditions. Ouais, c'est ça. Okay. Mais pour tout de suite, on est bien, mais on reste ouvert à toutes les possibilités aussi. Cool. Mais ça serait pas à n'importe quel prix non plus. C'est ça, on aimerait, mais c'est ça, pas à n'importe quel prix, comme Pierre-Philippe dit. En tout cas, en attendant, ça marche plutôt bien comme vous êtes parti. Ouais. Vous avez des spectacles de prévu très bientôt, on pourrait en parler un peu. Oui. Ce vendredi, au Will Motor, avec, à Montréal. À Montréal, oui. Avec l'Indice, puis Saint-Polaire. Oui, l'Indice et Saint-Polaire. Ensuite, le 17 octobre encore à Montréal, on est avec Mixomatosis puis Manaïl. Au Patrovis. Puis, pour ceux de Montréal ou de la région aussi, le 9 novembre, on joue avec Mille Monarques à l'Escogriffe. Ça risque d'être vachement cool si vous voulez venir. C'est le spectacle à ne pas manquer de Vanessa Pariétal. Probablement, oui. Okay. Ouais. Là, ben, les gens peuvent aller télécharger votre musique sur vanessepariétal.com. Et les dates de spectacle sont sur myspace.com/vanessepariétal. C'est ça. C'était Vanessa Pariétal qui était en studio avec nous le 5 octobre dernier. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de vous dire de ne pas tenir compte des dates de spectacle? On va leur dire pas quand même. Pas tout à fait pertinent, mais bon, voilà. C'est pas grave. Voilà, c'était notre émission sur nos entrevues préférées. Caroline, ça se déboule, hein? Nos entrevues préférées de 2009. Marie-Pierre Arthur, là-dedans, il y a eu Pépé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai eu Bench 400 livres. Évidemment. Et Vanessa Pariétal. C'est nos quatre préférés de l'année. Exact. Il reste encore une petite partie de l'entrevue avec Vanessa Pariétal, dont entre autres une performance live, une autre performance live du groupe. On va se quitter avec ça. Sinon, nous, Mathieu, on se retrouve demain. Oui, demain, à partir de 15h, il n'y aura pas de chroniqueur. Vous le savez peut-être, ils étaient tous à l'émission de mardi. Donc demain, on va être toi et moi, on va se passer de la musique. Il y a plein de différents styles de musique. On va aussi avoir une capsule de vie, dont la question. Oui, donc c'est le programme pour demain. Puis voilà. Passez une belle soirée. Et on écoute la fin de l'entrevue avec Vanessa Pariétal. Salut, Kiwan. Bye, Matt. Puis, je pense aussi qu'en attendant, ce que les gens pourraient faire, c'est écouter la prestation acoustique que vous allez nous offrir, parce que c'est pas fini. Vous allez nous faire encore deux autres pièces. Oui. Donc, on vous laisse vous réinstaller. Et puis, je pense qu'on va y aller avec ça, Mathieu. Absolument. Ah oui. Puis, on va dire qu'on est en compagnie de Vanessa Pariétal, Pierre-Philippe et Alexandra qui sont avec nous pour encore un bon petit bout. Et ils vont être à l'émission de Sophie Laforêt, où il va y avoir de la musique d'eux. En tout cas, Sophie Laforêt, ce soir, chérie, m'écoute. Exact. Voici Vanessa Pariétal. Oui, en fait, nous, on est un groupe assez rock d'habitude, puis là, on va faire des versions cœur de pirates de nos tunes, plus minimalistes. Ça s'appelle Bleu sur Or. c'était bleu sur un. Petite gorgée d'eau. Vous êtes toujours avec Vanessa Parietter ici à l'émission Assemblage requis jusqu'à 17h. Et Vanessa va nous faire une autre performance. Je l'appelle Vanessa comme c'est une personne, mais c'est un groupe. Ben, c'est aussi une personne. Si vous allez, oui. Télécharger l'album, vous allez comprendre ce que ça veut dire Vanessa Parietter. Je pense que vous êtes la première entrevue qui nous ont pas demandé c'était quoi Vanessa Parietter. Parce qu'on sait déjà. Ben oui, c'est un personnage. Parietter et la pièce Bois Vert en direct dans les studios de C'est Fou. Quel beau cadeau que c'est tout ça. Wow, c'est vraiment beau en version acoustique comme c'est ça. C'est incroyable. Peut-être petite dernière question comme ça. Vous avez fait des versions acoustiques comme ça. Vous en avez fait quelques-unes des pièces. Vous n'avez pas toutes faites. Est-ce qu'on pourrait un jour avoir une formule duo pour Vanessa Parietter avec seulement guitare? C'est pas prévu. Non. Mais comme ça pour des... Ouais, pour des stations de radio, type des shows. Toujours le fun. Mais un show en tant que tel, peut-être pas. OK. C'est pas le son de Vanessa Parietter. C'est pas dans nos plans. C'est pas dans mes plans. Peut-être, je sais pas. Mais Bon, c'est ça, on est un groupe assez rock. Là, mon micro, il arrête pas de descendre. Oui, t'as l'air fou. Ouais. On va la tenir tout le long, ça va être super beau. Ouais, je vais la tenir. Ouais, donc, ouais, c'est ça, on est un groupe assez rock. En général, il y a beaucoup de stock dans notre musique. Fait que des fans minimalistes, quand même, c'est le fun. Ça pourrait pas s'appliquer à toutes les pièces. Ouais, c'est ça. Non, ça, c'est... Mmh. Des chansons qui sont basées strictement sur du bruit, c'est difficile de faire ça acoustique. Mm-hmm. Même en spectacle, avec le groupe au complet, il faut en sauter des fois parce que c'est trop compliqué. Ouais. Ça serait tout préenregistré, finalement, vous seriez là en train d'écouter la pièce. Ouais, c'est ça, c'est ça. Yeah. Comme Kevin. Ouais. C'est tellement de la musique d'ambiance et de la musique de par moment, ce que vous faites. Un peu atmosphérique. Atmosphérique. Mm-hmm. Ouais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'espère qu'on ne vous a pas trop gêné avec notre groupitude ici. Non, hein? Pas en tout. Non, non. Bon, c'est non. Nous autres qui sommes plus intimidés. Ouais. Non, le micro. Donc, on continue à espérer et à attendre un spectacle de Vanesse à Trois-Rivières. On est persuadé que ça on va arriver. On aimerait beaucoup ça. Ouais, on va essayer d'organiser ça, là, éventuellement. Parfait. On check ça, puis on s'en repart. C'est bon. Yo! C'est bien bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Vanesse Parietaire, Alexandra, Pierre. Alors voilà, c'est vraiment ce qui termine l'émission des meilleures entrevues de 2009 à Assemblage Requis. On se retrouve demain à 15h pour la dernière émission d'Assemblage Requis de 2009. Bye bye.